Bonsoir et bienvenue à notre édition de l'émission Radio Fuzz sur les ondes de CISM 89,3. Mon nom est Mathieu Gratton. Ce soir à l'émission, on prend entendre du Moom, du Voices and Organs, du Terrestrial Tones, du Éric Gingras, un nouveau projet de Fortet, donc un duo qui a fait avec le jazzman Steve Reed. Mais ce soir, on va débuter l'émission avec une nouveauté de Y. On va entendre la pièce Rubber Trades tirée d'un EP qui porte le même nom. Ensuite, ce sera Jail avec la pièce All Around. Et on termine ce bloc avec le groupe anglais Hood, la pièce de Negative tirée de l'album paru en 2005 qui s'appelle Outside the Closer. Donc, c'est ce qu'on entendra à l'émission Radio Fuzz sur les ondes de CISM 89,3. Si vous avez des questions, des commentaires ou des suggestions, vous pouvez me les faire parvenir par courriel à l'adresse suivante. radiofuzz@gmail.com. I'm not afraid to Vous écoutez l'émission Radio Fuzz sur les ondes de CISM 89,3 et on vient toujours d'entendre Hood avec la pièce de Négative tirée de leur plus récent album paru en 2005 sur l'étiquette Domino. L'album donc s'appelle Outside Closer. Juste avant, c'était Jail avec la chanson All Around, une chanson interprétée par la chanteuse de Miss John Soda, Stephanie Bonne. Donc, cette chanson se retrouve sur son plus récent album à Jail. L'album s'appelle Soft Money et c'est sur l'étiquette Anticon. Juste avant, on a débuté l'émission avec une autre nouveauté de l'étiquette Anticon, c'est Why, avec la chanson Rubber Traits tirée d'un mini-album du même nom. On poursuit en musique avec le projet solo du leader du groupe Clem Snide, c'est Yves Barzelay. L'album s'appelle Bitter Honey et on va entendre la pièce Ballad of Bitter Honey. Ensuite, ce sera Eric Gingras, un membre du groupe Fly Panam. Donc, on va entendre la pièce Au Parc La Fontaine, tirée de son premier album solo qui s'appelle Enfant Magique. Et on termine ce bloc avec Chas MTN sur les ondes de CISM 89,3 à l'émission Radio Fuzz. That was my ass you saw bouncing next to Ludacris. Was only on screen for a second, but it's kinda hard to miss. And all those other hoochie skanks shit on me. And one of Nelly's bodyguards, he totally agreed. Yada ba da ba bum, ba da ba ba bum. My mother cleaned the homes of wealthy people till the day she died, and so to California I did make my way. I tried to finish nursing school, I really wanted to, you see. But all those broken bodies, well, they really got to me. Think I'm stupid, I can see it in their eyes, but I know what's inside their hearts. I penetrate their lies. Sometimes it gets me crazy, but I keep my feelings hid, 'cause I know deep inside they're only frightened little kids. Yada ba da ba bum, ba da ba ba bum. And if I press my breasts together, arch my back just so, I can ask for pretty things, and they will not say no. No one should have to suffer, no one should go without. Don't hate me, 'cause I know just what this world is all about. Don't hate me, 'cause I know just what this world is all about. Sur tes genoux au pied du grand chêne, sans rendez-vous. Il y avait Sophie et aussi Johnny. Nous étions unis dans l'insouciance même. J'ai retrouvé mon âme. Au petit matin, à midi j'étais prêt. Pour la pratique de scène, la pratique de scène. Je me suis réveillé, oublié mon passé. Aujourd'hui c'était toi, et je savais pourquoi. Oui, tu m'avais couvé, nos cœurs réchauffés, la nuit dissipée. Dans une lumière de fin d'été, nous avons dormi au parc La Fontaine, ma tête sur tes genoux au pied du grand chêne, sans rendez-vous. C'était une nouveauté de l'étiquette Western Vinyl, le groupe Chas MTN. On a entendu la pièce Deep Safety qui se retrouve sur l'album Hugs. Juste avant, c'était le Montréalais Éric Gingras avec son premier album solo qui s'appelle Enfant Magique. On a entendu la pièce Au Parc La Fontaine. Et on a débuté avec le premier album solo également du leader de Clem's Night, c'est Eve Barzilay. On a entendu la pièce Ballad of Bitter Honey qui se retrouve sur son album solo justement qui s'appelle Bitter Honey. On poursuit en musique avec Hypatia Lake et on va entendre la pièce Joseph and the Divine Intervention of the Recreational Center. Ensuite, ce sera Voices and Organ et on termine avec Moom sur les ondes de CISM 89,3. Sur les questions, des commentaires ou des suggestions, vous pouvez me rejoindre par courriel à l'adresse suivante radiofuzz@gmail.com. vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Radio Fuzz sur les ondes de CISM 89,3. Et on vient tout juste d'entendre le groupe islandais Moom avec la pièce The Ballad of the Broken Birdie Records. Ça se retrouve sur leur premier album qui a été réédité. L'album s'appelle Yesterday Was Dramatic, Today Is Okay. Juste avant, c'était Voices and Organs avec la pièce Staircase Attic Window. Ça se retrouve sur un album qui s'appelle Orphanage. Et on a débuté avec Hypatia Lake. C'était la pièce Joseph and the Divine Intervention of the Recreational Center qui se retrouve sur l'album And We Shall Call Him Joseph. Bon, écoutez, s'il y a des noms comme ça qui sont compliqués, que vous avez de la misère à comprendre ce que je dis, je vous invite à visiter le radiofuzzcism.blogspot.com. Sur ce blog, donc, j'affiche et je publie les playlists de toutes les chansons qu'on a entendues à l'émission. Donc, de l'émission de cette semaine et les émissions précédentes. Et n'hésitez pas à me rejoindre par courriel à l'adresse suivante, c'est le radiofuzz@gmail.com. Ce soir, on va se quitter avec deux pièces. La première qu'on entendra, c'est le groupe Terrestrial Tones. C'est une collaboration entre un des membres de Animal Collective et un membre du groupe Black Dice. Donc, ils ont fait un album ensemble qui s'appelle Dead Drunk. Et on entendra la pièce de Sailor. Ensuite, c'est un autre projet collaboration, cette fois-ci entre Steve Reed et Kieran Ebden, qui est mieux connu sous le nom de Forteth. Donc, ils ont fait un album qui s'appelle Exchange Session No. 1. Ils ont enregistré des séances d'improvisation, c'est assez jazzy. Donc, on entendra la pièce Soul Oscillation. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute de Radio Fuzz et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, lundi, dès minuit, sur les ondes du 89,3. Thank you. Thank you.